Gina. Ce qui devait arriver arriva, je la prenais dans mes bras. Je l'embrassais, je la caressais, mais ça, ça n'avançait pas. Non, non, non, non, non, mais dis Gina, arrête ça, t'es un homme ou quoi? Ce que j'aime, moi, c'est les coups, alors secoue-moi. Cette fille-là, super extra. Cette fille-là, super extra, s'appelait Gina. Au début, je n'osais pas trop, j'avais peur de l'esquinter. Maintenant que je vis avec Gina, elle est